depuis notre dernier entretien sur les ondes. Je présume que vous n'avez guère eu le temps d'étudier l'histoire antique ou de penser à Antiochus Épiphane. Brièvement, je rappellerai donc que plus de 3 siècles à l'avance, le prophète Daniel avait annoncé les circonstances dramatiques qu'Israël a connues dans les années 171 à 165 avant Jésus-Christ, lorsque le roi syrien Antiochus Épiphane avait persécuté les Juifs et profané leur sanctuaire à Jérusalem. Cependant, il arrive fréquemment que les prophéties de l'Écriture visent simultanément 2 objectifs, l'un proche, l'autre éloigné, l'un local dans son application, l'autre mondial dans son impact. L'objectif proche et local dans son application, c'était le premier sujet du chapitre 8 de Daniel. Mais le prophète avait besoin d'aide pour comprendre, d'une part, la signification de la vision et d'autre part, à quel temps elle se rapportait. C'est pourquoi Dieu lui a délégué l'ange Gabriel. D'abord, le messager céleste prend soin de récapituler les divers éléments de la vision et il énumère pour commencer ceux dont l'accomplissement est imminent, puisqu'ils se dérouleront entre l'an 539 et l'an 165 avant Jésus-Christ. Premièrement, l'ange lui explique, verset 20, « Le bélier que tu as vu, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Deuxièmement, au verset 21, « Le bouc, c'est le roi de Javan. » C'est-à-dire le roi de Grèce. « La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » Soit Alexandre le Grand. Troisièmement, au verset 22, « Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. » Une allusion directe aux 4 royaumes de puissance moindre issus de l'empire d'Alexandre. Puis, l'ange Gabriel passe presque imperceptiblement à l'objectif éloigné dans le temps et mondial dans son impact. Pour ce faire, il reprend la description d'Antiochus Épiphane qu'il présente comme un roi impudent et artificieux, mais cette description dépasse tellement les limites qui furent imposées à Antiochus que nous sommes bien obligés, avec le prophète Daniel, de faire un grand saut en avant dans le temps et, à partir du verset 23 de Daniel 8, de voir l'Antéchrist lui-même dans le personnage qui y est décrit. Nous lisons versets 23 à 25. « Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Le super dictateur de demain fera donc d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, détruira les puissants, vaincra les saints, fera périr les innocents et s'élèvera contre le Dieu des cieux. Vous l'avez constaté avec moi, il existe un rapport étroit entre Antiochus Épiphane et l'Antéchrist. Comme Antiochus, l'Antéchrist sera impudent et artificieux. Comme lui, il manifestera sa colère contre Israël. Et comme lui, il commettra des abominations en plein sanctuaire de Jérusalem. Abomination. Voilà le mot que le Seigneur Jésus lui-même a relevé de la prophétie de Daniel quand, sur le mont des Oliviers, il s'est adressé à ses disciples. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cette parole, nous la lisons au verset 15 du chapitre 24 de Matthieu, et elle fait partie du discours où le Seigneur énumère les signes précurseurs de son avènement. Il confirme ainsi le message de Daniel. Avant que Christ ne revienne pour régner sur la planète Terre, l'Antéchrist doit s'y manifester. Ensuite seulement viendra la fin. Exactement ce que l'ange Gabriel a souligné à Daniel au verset 17 de ce chapitre 8. Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Chers auditeurs, nous sommes à la veille d'une période tragique de l'histoire, le règne de l'Antéchrist. Aujourd'hui déjà, Satan prépare la venue du super-dictateur de demain en sapant les fondements de la société et en fomentant la révolte contre Dieu. Car son esprit est déjà dans le monde, comme l'apôtre Jean l'a affirmé. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 3. Et quelles sont donc les caractéristiques les plus évidentes de l'Antéchrist, ce surhomme qui séduira par ses charismes l'humanité de demain? L'apôtre Paul parle de lui comme de l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Oui, l'Antéchrist s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on adore, car Satan lui conférera tous ses pouvoirs. L'Apocalypse le dit, mais c'est aussi ce que l'ange Gabriel a révélé à Daniel au verset 24 de ce chapitre 8. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Et par quels moyens cet imposteur réussira-t-il dans ses entreprises? Il réussira en utilisant le mensonge et en s'acharnant contre la vérité venant de Dieu. Ne va-t-il pas jeter la vérité par terre, comme l'indique ce chapitre 8 de Daniel au verset 12? Par des artifices mensongers, il persuadera les foules. Sans doute s'acharnera-t-il comme personne avant lui contre la vérité de Dieu, c'est-à-dire contre la Bible elle-même. Il l'interdira, il la détruira systématiquement. Et il la remplacera probablement par une fausse Bible qui fournira une base doctrinale à sa religion despote. Chers auditeurs, comprenez-vous pourquoi Satan propose déjà son évangile falsifié et ses contrefaçons de la Bible à notre génération? Comprenez-vous pourquoi la vérité biblique est de plus en plus contestée? Ce n'est pas étonnant. L'esprit de l'Antéchrist régit déjà l'éthique et la culture des masses pour les soustraire à Dieu. Puis Daniel montre que l'Antéchrist détruira le peuple des saints. Verset 24. En parallèle, l'Apocalypse dit qu'il sera donné à l'Antéchrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, 7. Il s'acharnera donc avec un zèle farouche contre le peuple des saints, c'est-à-dire contre les croyants de son époque. Innombrables seront alors les martyrs qui préféreront la mort à l'abjuration de leur foi. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Les courants idéologiques qui entraînent notre génération sont déjà énergisés par l'esprit de l'Antéchrist. C'est pourquoi de nombreux chrétiens souffrent à cause de leur foi en Christ. Ils endurent la persécution, la torture ou les camps de concentration pour rester fidèles à leur Seigneur. Mais que dit encore Daniel 8 au sujet de l'Antéchrist? À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Verset 25. Au chapitre 7, l'attention du prophète avait été frappée par la bouche de l'Antéchrist qui parlait avec arrogance. Verset 8. Ici, il constate l'arrogance de cœur de celui qui s'élève contre Dieu et se proclame Dieu à sa place. Le super-dictateur de demain s'élèvera contre le Dieu des cieux et ralliera l'ensemble des hommes à sa révolte contre le Tout-Puissant. De plus, et à l'instar de certains dictateurs du XXe siècle, il s'imposera à tous, se débarrassant impitoyablement de ceux qui penseront autrement que lui. D'où un massacre d'innocents sans précédent. Il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Verset 25. Mais le Tout-Puissant ne permet pas à l'homme de toucher impunément à ses créatures. Et si les dictateurs modernes qui ont osé faire périr les innocents encourront le châtiment divin, que sera-ce demain, après que le plus grand des tyrans aura livré à la mort des millions de victimes? Non, il ne pourra pas échapper à la juste condamnation du Seigneur. Or, le prophète Daniel s'arrête précisément sur cette défaite finale puisque Dieu lui révèle la fin qu'il réserve à l'Antéchrist. Verset 25 toujours. Il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Le Seigneur n'aura pas besoin des hommes pour frapper son adversaire. Il s'en chargera lui-même. L'apôtre Paul l'a précisé dans sa lettre aux Thessaloniciens. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Oui, Jésus-Christ, alors couronné roi des rois et seigneur des seigneurs, se chargera lui-même de jeter l'antéchrist et son faux prophète dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Un dernier mot. La conclusion de l'ange Gabriel en Daniel 8, 26. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Temps éloignés pour Daniel, oui. 25 siècles, c'est long. Mais temps proche, très proche pour nous, c'est incontestable. Aussi, devant ce micro, nous affirmons avec conviction, comme l'apôtre Pierre, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, se lève dans vos cœurs. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 19. Chers amis à l'écoute, si notre entretien sur les ondes a contribué à ce que cette lumière commence à se lever et à briller dans vos cœurs, elle aura alors atteint son but.